sang de joie, nous l'avons chanté. Immunisé contre les forces sinistres. À un Irlandais qui s'obstinait à s'inviter. S'il ne doit pas venir, il ne viendra pas. Il y a un message qu'on t'a envoyé d'un portable de Chennai, en Inde, où Dieu m'a fait son prophète. Ne t'inquiète pas, t'ai-je rassuré. Soutenu dans ma bataille spirituelle contre le monde.